Oui, bonjour, c'est pour une inscription, s'il vous plaît. Bonjour, c'est une première inscription à la médiathèque ? C'est ça, je viens d'arriver dans le quartier. Alors vous devez remplir ce formulaire et apporter un justificatif de domicile, donc une quittance de loyer ou une facture de téléphone datant de moins de 3 mois, avec une pièce d'identité. Ah bon ? Je savais pas, je les ai pas sur moi, à part ma carte d'identité. Il les faut pour vous inscrire. Vous habitez loin ? Non, non, je vais aller les chercher. Très bien. Mais quels sont les horaires d'ouverture ? Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ça ferme à 18h. Vous avez le temps. Les autres jours, c'est 19h. Ah oui, je vois. Et alors, la médiathèque est ouverte tous les jours ? Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Elle ouvre à 14h et le mercredi, elle ouvre plutôt à 10h pour les scolaires. Et le samedi aussi. D'accord. Merci, je repasserai plus tard avec la facture de téléphone. Je voudrais savoir aussi combien de livres je peux emprunter. Vous avez droit à 5 livres, 5 BD, 5 revues. Tout ça ? Ah ben, c'est formidable ! Et c'est gratuit ? Pour les ouvrages, c'est gratuit. Mais pour les CD et les DVD, là, vous devez payer 61 € par an, plus une caution de 100 € qui vous est restituée à la fin. Oh, ça fait cher, ça. Et les 100 €, vous les encaissez ? Non, madame. C'est une caution. Au cas où les films ou les disques seraient abîmés, ou non restitués. Tenez, prenez ce papier, tout est indiqué dessus. Ah oui, d'accord. Si le prêt pour les livres est gratuit, ça va. Oui, mais vous avez des délais pour les rendre quand même. On a le droit de les garder combien de temps ? L'emprunt est de 3 semaines pour les ouvrages. 3 semaines, c'est pas mal quand même. Et si on est en retard ? Alors si vous êtes en retard, vous avez des amendes. Mais surtout, il faut penser à ceux qui attendent si vous gardez les livres pour vous trop longtemps. Et les journaux, on ne peut pas les emprunter ? Non, ils ne sortent pas de la médiathèque. Vous devez les lire sur place. Merci. Je vais jeter un œil sur Ouest France alors. À bientôt, monsieur. Au revoir.